Et donc, on va aborder la discussion numéro 4, Thierry, qui est plutôt donc, de revenir sur la question de la démocratie. Voilà, qu'on ait cette discussion sur qu'est-ce qu'on entend vraiment par démocratie. Très court. Bah, l'idée d'abord que les Gilets jaunes ont illustré une espèce de déplacement par rapport à comment le peuple était assigné à une place, quoi. À une place productive, à une place silencieuse, disciplinée pour faire barrage à l'extrême droite de temps en temps dans les urnes. Et que y a une sorte de manière de manifester ce refus dans ce mouvement. Et cette façon dont le mot démocratie, démocratique, il revient très souvent dans les revendications, dans l'affirmation de ce qui se fait. Et je trouvais que ce serait intéressant de revenir un peu sur comment, Jacques, tu affirmes aussi la séparation entre le fait que la démocratie, c'est pas le fait que les gens sont majoritaires à penser ceci ou cela, mais quelque chose qui est de l'ordre d'une vie démocratique qui s'affirme et qui n'est pas forcément lié au fait qu'elle soit majoritaire. Et je pense que là, c'est ce qui se passe aussi à travers les Gilets jaunes. Voilà, simplement l'idée que... Sur les ronds-points, il y a une espèce de collectivisation comme ça des intelligences, des pensées, que c'est aussi ça qui s'affirme comme démocratie. Et il y a aussi toute une réflexion, disons, sur qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'on produit ? Est-ce que les ronds-points sont des embryons de communes ou est-ce qu'on met en place des espèces d'assemblées constituantes ? Est-ce que ce qu'on fait, c'est en fait on fabrique des espèces de nouvelles institutions ? Il y a cette histoire de RIC qui est mise en avant dans pas mal d'endroits et qui a pour ambition de rendre possible finalement toutes les autres revendications. Alors il y a un peu de débat là-dessus. On va ouvrir le débat. Je m'arrête là. Très rapidement, quoi. Je pense qu'il faut arriver à déplacer vraiment le terrain de la démocratie. C'est-à-dire que on est quand même parti sur l'idée que la démocratie, c'est une affaire de choix, quoi. Et que par conséquent, que l'essence, en quelque sorte, de la démocratie, c'est effectivement le fait majoritaire, le fait que la majorité d'une population votante, l'emporte sur sa minorité, quoi. Alors je pense qu'il faut arriver à se sortir un peu de cette espèce d'obsession du choix, quoi. C'est-à-dire que je pense que la démocratie n'est pas une question de choix, c'est une question d'action, quoi. Et on pourrait définir la démocratie, moi j'essaierais de la définir de, disons que la démocratie c'est l'action des égaux en tant qu'égaux, quoi. C'est-à-dire que c'est pas l'action du peuple, parce que, justement, mais d'un certain peuple, quoi. C'est-à-dire d'un peuple de gens qui se considèrent et qui agissent comme des égaux, quoi. Alors il est clair que maintenant on a imposé cette idée que de lier la démocratie au choix, et on voit bien que c'est le choix est en un sens comme le contraire de l'action, quoi. Parce que le choix, tout le temps on choisit. Maintenant on voit bien que tous les jours si on veut prendre la moindre décision, on regarde sur internet tous les gens qui sont pour ou contre ce produit, cette location, ce machin, etc. On vit dans un univers véritablement, on peut dire, d'obsession du choix, quoi. Et je pense qu'il faut arriver à se sortir de cette obsession du choix, à penser que ce qui n'est pas important finalement, ce qui est important, ce n'est pas un choix, c'est important ce qu'il a, au fond, la manière dont on suit une décision, quoi. Donc la démocratie, ce n'est pas non plus simplement la décision pure, c'est plutôt quelque chose comme la façon de se tenir à une certaine décision. Et je pense qu'il faut vraiment arriver à déplacer, je pense, l'idée de démocratie du terrain, effectivement, de la représentation, parce que la démocratie, ce n'est pas la représentation. La démocratie, c'est pas le fait majoritaire. La démocratie, c'est d'abord le fait d'agir en égo, quoi. Effectivement, ça pose des problèmes précisément de démocratie dans le sens, dans la pratique d'une action, quoi. C'est-à-dire, je pense que c'est là véritablement que la démocratie se pose, quoi. Parce que je dis pas qu'il faut supprimer les élections, hein, mais dans des élections, on n'agit pas, quoi. On peut agir éventuellement, dans tout ce qu'il y a autour d'une élection, mais on n'agit pas dans l'élection elle-même, quoi. Par conséquent, je pense qu'il faut vraiment déplacer dire il y a démocratie quand il y a de l'action, l'action qu'on mène en tant qu'égo pour promouvoir une certaine égalité. C'est pour ça que par rapport... c'est peut-être pas la peine de rentrer dans les détails peut-être du RIC et compagnie, on peut en reparler plus tard, parce que si je dis d'abord ce qu'il faut en penser, ça c'est pas bien. Donc a priori, il y a des gens peut-être qui sont pas contents parce que c'est pas la forme habituelle, ils se sont dit... il va y avoir Jacques Rancière qui va venir faire son petit discours, et puis après, et les gens ils vont poser des questions. Et moi, c'est vrai que ça m'énerve un peu, ce genre de truc. Et je pense que que si ça avait été comme ça, je pense que ça n'aurait pas été cohérent avec la pensée de Jacques Rancière. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Le Maître Ignorant, dans lequel il nous dit que, en fait, depuis tout jeune, on apprend qu'on est bête et qu'il faut qu'on nous explique, quoi. Et on a toujours ce qu'on appelle des maîtres explicateurs, hein, l'instituteur, les experts autoproclamés sur les plateaux de TV et tout ça. Donc je trouve que justement, là, on est vraiment dans une forme de débat et on n'est pas dans le maître qui fait son discours et puis les élèves qui posent des questions, quoi. Donc c'est pour ça que je suis assez content de ce qui se passe. Je trouve que c'est très cohérent avec le maître ignorant. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez ici. Voilà. Sinon, je voulais aussi faire référence, puisqu'on parle de démocratie, à un argument dans La haine de la démocratie de Jacques Rancière, qui est celui de la compétence. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il faut être compétent pour gouverner. C'est le thème classique, hein, depuis Platon jusqu'à... Enfin, non, Aristote, il est pas vraiment d'accord avec ça, mais enfin, c'est un thème dont on nous rabat les oreilles depuis toujours, et encore aujourd'hui. Hein. Il faut être compétent pour gouverner. Vous n'êtes pas compétent, vous ne pouvez pas gouverner, il faut avoir des connaissances. Et Jacques Rancière, il répond à ça, je trouve que c'est vachement bien, à propos du vote, justement, où il nous dit que, bah justement... Si on n'est pas compétent, comment on peut savoir qui est compétent ? Comment on peut savoir pour qui voter ? Et je trouve cet argument assez génial. Et j'aimerais bien que vous puissiez aussi le diffuser, parce que c'est vraiment un bon argument, quoi, contre les gens qui nous disent qu'on n'est pas compétent pour gouverner. Bah, si on n'est pas compétent pour gouverner, on n'est pas compétent pour voter, puisqu'on ne peut pas savoir pour qui voter, par conséquent, puisqu'on ne sait pas ce que c'est que la compétence. Donc comment on peut deviner si tel et tel est compétent ? Voilà, je trouvais cet argument très génial. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah ouais, j'ai entendu dire aussi à un moment qu'on était des sauvages et qu'ils ne nous comprenaient pas. Là. J'ai Edwige et Jacques Rancière qui ont compris le truc. Mais si, ils nous comprennent très bien. Mais ce qu'ils veulent pas, ils font semblant de ne pas comprendre. Ils ne veulent pas entendre, parce que ce que disent les Gilets jaunes, c'est qu'ils veulent toucher à leurs privilèges depuis le début. Depuis le début, ils disent ça. Moi, dès le début, on a crié Macron démission le 17. Moi, j'y étais sur les Champs-Élysées. On a marché sur l'Élysée. Hein. On voulait... voilà. Donc, dès le début, il y a cette idée quand même révolutionnaire, hein, insurrectionnelle. Et eux, ils ne veulent pas comprendre parce que... par contre, quand... par exemple, dès qu'il y a quelqu'un qui est complotiste ou je ne sais quoi, tout de suite, hop, ça remonte. Là, les médias, ils en parlent tout le temps. Par contre, l'idée de toucher au privilège, ça... Même à l'Assemblée, hein, Mélenchon, il n'en parle pas. Hein. Quand ils ont parlé des revendications des Gilets jaunes à l'Assemblée, là, l'histoire de toucher à leur salaire et tout ça, évidemment, ça les dérange. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Ah ouais, pour moi, la démocratie, voilà, c'est le contrôle continu. Ça, c'est super important. C'est, voilà, c'est pas que de décider, c'est de pouvoir contrôler tout le temps et d'être tout le temps, de s'intéresser aux affaires publiques, quoi. C'est tout le problème de la démocratie, c'est que dès notre plus jeune âge, on ne nous apprend pas à nous intéresser à la politique et à faire des AG, à discuter sur ce qui nous intéresse, aussi bien au niveau local que national, etc. etc. On nous apprend que, justement, on a besoin d'experts. Voilà. Et sur le RIC, c'est pareil, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit sur le RIC. Le RIC, justement, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Et vous disiez qu'il n'y avait pas d'idées, je ne sais pas quoi. Mais en fait, il y a plein d'idées. Hein, c'est dialectique, en fait. Hein. Plus le mouvement avance, plus les idées se font. Hein. Il y a de l'idée politique, il y en a plein. Ils font que ça, hein, les Gilets jaunes. Donc, juste pour le RIC, c'est le RIC, l'idée. Voilà. Par exemple, en 68, on s'est fait baiser par ce qu'ils appellent aujourd'hui les corps intermédiaires, ce qu'on appelait avant les syndicats. C'est ça que j'aime bien aussi dans les mouvements d'aujourd'hui, Nuit debout et Gilets jaunes, c'est que les mecs, ils veulent pas se faire avoir par les partis politiques et les syndicats, comme ça a été le cas depuis toujours, quoi. Donc voilà. Donc l'idée, par exemple, en 68, on s'est fait baiser avec les accords de Grenelle. Ok, on a eu l'augmentation du SMIC, mais 50 ans après, on est obligé de recommencer. Donc l'idée, ce serait de créer un référendum d'initiative citoyenne, voire changer la constitution. Hein. Moi, ce que je veux faire, c'est la révolution, je sais pas vous. Bref. L'idée, c'est d'avoir un contrôle sur les revendications. Parce que les revendications, une fois qu'on les fait, après, ils les changent, hein, dans le temps. C'est ça, le problème. Et l'idée, c'est, par exemple, vous augmentez le SMIC, ils augmentent les prix. Enfin, vous voyez comment ça se passe. Hein. Donc, l'idée, avec le référendum d'initiative, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Moi, j'ai trouvé ça génial tout de suite. Je ne connaissais pas. Hein. Mais moi, j'ai trouvé ça génial tout de suite. L'idée, c'est de pérenniser. C'est de pouvoir avoir un contrôle continu sur les élus et sur nos revendications, sur ce qu'on a gagné. Voilà, parce qu'on le perd après, ce qu'on gagne. Voilà. Oui, alors c'était juste en fait une petite proposition méthodologique peut-être, parce que en fait, comme tu l'as bien dit, il y a un effet de comme si le temps allait se raréfier et donc que chacun prend la parole pour dire le plus de choses possible. Et comme on est sur le sujet de la démocratie et qu'une assemblée c'est quand même un espace pas mal pour essayer peut-être de le travailler un petit peu. On pourrait essayer de se débarrasser déjà de cette sensation que le temps il va être compté et se dire que par contre on essaye d'avancer dans l'échange et justement ce qui me semblait intéressant dans la question et dans la façon de poser la question de la démocratie, c'est la question de l'action d'ego qui agissent, puisque là, on est dans un espace d'échange qui, on peut l'espérer, est aussi une forme d'action. Comment on construit une équité de l'échange, de la discussion, et quel cadre on choisit collectivement de se donner? C'est des vieilles questions du mouvement libertaire, mais elles sont toujours intéressantes à se poser, et elles peuvent peut-être permettre de sédimenter des choses qui nous soient utiles dans l'évolution du mouvement, quoi. Donc voilà, c'était juste... Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je voulais intervenir sur plusieurs points et je commencerai par le premier, qui est celui qui posait le problème de la pureté ou de l'unité ou l'absence d'unité, etc. Moi, je pense que, il dit racisme de la gauche, entre guillemets. Je pense qu'il y a un problème au sein, peut-être, des élites, entre guillemets, des intellectuels français. C'est de se rendre eux-mêmes légitimes en vue de poser la légitimité de ces gilets jaunes, de cette révolution en émergence, en ébullition. Je pense que en posant sa légitimité, c'est de dire que toutes les condamnations, toutes les mutilations qui ont eu lieu, c'est un crime d'État. Et qu'on devrait proclamer, revendiquer l'amnistie générale et totale de ces personnes qui ont été victimes de ce terrorisme d'État. Voilà. Ensuite, quand je parle de revendication, pourquoi on veut que Macron démissionne? Pour moi, c'est simple. Pourquoi je réclame la démission de Macron? Parce que Macron représente tout un tas d'acquis et de biens sociaux qui ont été dilapidés, laminés par les gouvernements précédents et en particulier avec l'arrivée de Macron au pouvoir et ses ordonnances et ses ordonnances sont 44.3, enfin 49.3, etc. etc. Bon. Pour moi, la démission, c'est la remise en cause, l'abrogation de toutes les lois scélérates, de toutes les lois sociales qui ont liquidé le code du travail, qui ont liquidé vos intérêts de salariés, qui ont liquidé les retraites, qui ont liquidé les universités, les services publics, les hôpitaux qui sont en train de fermer les uns après les autres. Et de liberté, exactement. Effectivement, la liberté, ça va être un peu dans le problème de la démocratie. Et je pense que si on obtient la démission et si on obtient la dissolution, il serait quoi? Ce serait une période pré-révolutionnaire, si vous voulez, où les travailleurs, ou les gilets jaunes, si vous voulez, qui sont des travailleurs, hein, qui rentrent dans une période d'ébullition et d'anticipation qu'on appellerait éventuellement une assemblée constituante. Et c'est là qu'il y a une vraie démocratie qui s'installe et qui sera à proclamer et à faire valoir. Et qu'on n'attendra pas à ce que Macron nous donne des miettes en disant « je reste, ce sera mon copain ou ma copine qui va me remplacer ». Voilà, je pense que c'est cela l'avenir. Juste pour revenir sur les tactiques de lutte, j'étais parmi les plus ardents de la lutte des Nuits Debout, et qu'en même temps, il y avait les lois travail, les lois El Khomri, et qu'on était nassés, et que les syndicats, les directions syndicales ont accepté qu'on défile dans un aquarium qui était autour du bassin de l'Arsenal. Ça, c'était la honte, et c'était la capitulation qu'on a eue, et qu'on... que les gilets jaunes, grâce à eux, grâce à leur courage, et grâce à ça, qu'on s'est imposé d'aller jusqu'aux Champs-Élysées et au Trocadéro et tout ce que vous voulez pour qu'on défile et qu'on dise ça suffit. Ras-le-bol. Alors, comme j'ai entendu qu'il y avait quand même des enjeux sur le fait que dans l'idée du RIC et la démocratie, il y avait des questions sur, au fond, le contrôle et la décision. Et c'est vrai que je n'avais pas tout à fait compris non plus ce que ça voulait dire démocratie, action, enfin la démocratie en action. Et qu'est-ce que c'est aussi la question de la décision? Elle se pose. Hein, c'est un mouvement qui pose des questions. Le RIC, c'est pouvoir décider, mais c'est aussi pouvoir contrôler. Alors je reviens à Jacques Rancière. Peut-être qu'il peut nous redire un peu plus clairement le rapport à la décision dans la démocratie. Enfin bon, je pense que bon, il faut éviter de se polariser sur l'idée qu'il y aurait le bon instrument, quoi. Bon, cette assemblée constituante, on la voit revenir constamment. C'est-à-dire à chaque fois, on nous dit ah, 6e République, assemblée constituante. Mais quoi, assemblée constituante? Ça veut dire qu'on fait des élections. On fait des élections avec quoi? Avec donc les Républicains, le parti dit socialiste, les machins, etc. Enfin, je veux dire, d'une certaine façon, c'est un mot, quoi. C'est, disons, une élection, c'est une élection. On peut appeler ça constituante, mais disons une assemblée constituante effective, c'est une assemblée qui sort du mouvement lui-même et pas du tout une assemblée qui est convoquée par la démission de Macron, quoi. Donc je crois qu'il faut être clair, quoi. C'est-à-dire qu'une assemblée constituante, comme on l'appelle, effectivement, on sait bien qu'à chaque fois, on a des petits messages du monsieur qui veut une assemblée constituante, qui dit à chaque fois il faut la constituante, mais quoi, ça veut rien dire, il faut la constituante, quoi. Je veux dire, il faut des formes de constitution éventuellement du mouvement lui-même, mais attendre véritablement des événements de la vie publique officielle, quelque chose comme un changement, bah non, disons ce que peut faire la vie publique officielle pour nous, effectivement, c'est céder devant ce qu'on demande, c'est reculer par rapport à ce qu'il a fait. Mais c'est pas, disons, nous proposer des élections et ainsi de suite. Alors voilà, bon, pour ce qui est du RIC, il s'agit de savoir ce qu'on entend. Bon, qu'est-ce qui est important, effectivement, ce qui a été dit, une décision, ça veut dire quoi? Une décision, quand, ça veut dire précisément, c'est le moment où on ne choisit plus, quoi. La décision, ça veut dire qu'on ne choisit plus, c'est-à-dire qu'on n'est plus en train de comparer, parce qu'on peut comparer indéfiniment tous les programmes de tous les partis politiques à toutes les élections. Il n'y a aucune raison, à aucun moment, vraiment, de faire un choix, quoi. Donc, d'une certaine façon, il y a un moment où on décide d'arrêter, en quelque sorte, d'être dans cette espèce de névrose du choix et de l'échange des arguments. Après, l'important, c'est justement, au fond, ce que je disais, c'est pas la décision elle-même, c'est la manière dont on se tient à une décision, la manière dont on continue, en quelque sorte, un processus, quoi. Au fond, le problème, quand on a commencé quelque chose, c'est la manière dont on décide de le continuer, quoi. C'est pour ça qu'effectivement, bon, au départ, malgré tout, disons, toutes ces histoires d'élections, ça a un sens s'il y a un contrôle sur les élus, et un contrôle, effectivement, comme on l'a dit, qui est un contrôle continu. Alors bon, c'est pas simplement le fait qu'il y aura des référendums qui donnent la réponse, quoi. C'est le fait qu'éventuellement il puisse y avoir des formes d'initiative qui soient comme des formes, en quelque sorte, de législation qui viennent d'en bas, qui viennent pas d'en haut, et surtout qui soient créées par quelque chose, parce que on voit bien, bon, si on pense par exemple à ce qui s'est passé en 2005 au moment du référendum, alors là, donc décidé d'en haut sur la Constitution européenne, ce qui a été intéressant, c'est le fait que tout le monde s'est mis, en quelque sorte, disons, à acquérir précisément ou à démontrer une compétence juridique, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que tout le monde se mettait à discuter, quoi, et que par conséquent tout le monde pouvait discuter. Donc ce qui est important dans cette histoire de RIC, c'est pas le fait, d'avoir un vote de plus, quoi. C'est d'avoir le fait d'avoir une espèce de compétence qui se reconnaisse et qui s'exerce, quoi. C'est-à-dire, bon, le problème précisément, c'est pas d'avoir une réponse majoritaire. Le réponse, c'est d'avoir une action d'ego qui pose des questions elle-même, quoi. Voilà, bon, ce que moi je pourrais dire par rapport au RIC et par rapport à toutes ces idées qu'il y a la bonne institution qui va tout régler, quoi. Moi je voulais intervenir à propos de la constituante et répondre à monsieur Rancière. Je pense que c'est toujours difficile de savoir est-ce qu'une constituante émane vraiment d'en bas. Moi, je gribouille à mes heures perdues, en fait, c'est plus ou moins ma profession, je suis doctorante. Et ce matin, ça fait un bout que j'y pense à cette histoire de à quoi ça ressemblerait une constitution qui soit à la fois transitoire, démocratique, populaire, écologique. Et ce matin, c'est sorti. J'ai sorti un gribouillage qui est complètement incomplet, qui est complètement brouillon. Mais j'ai essayé de réfléchir un peu à quoi ça pourrait ressembler. J'ai imaginé une assemblée qui serait à la fois générale et nationale. J'aime pas trop le mot national, mais je l'ai mis pareil. Qui serait à la moitié tiré au sort, qui serait à moitié élu, où tout le monde serait payé au salaire médian, qui serait contrôlé par des assemblées locales. Alors pour l'instant, j'ai mis départemental parce que ça me semblait une échelle correcte, mais évidemment, c'est ouvert à discussion. Assemblée départementale, pareil, tiré au sort à moitié, élu à moitié. avec aussi une résonance dans toutes les communes où il y aurait une demi-journée, voire une journée par semaine qui serait complètement banalisée de toute forme de travail salarié pour que les gens puissent se rendre. Et dans lequel il y aurait évidemment des dialogues, des contrôles entre tous les niveaux. Il n'y aurait plus de président de la République, il y aurait un conseil exécutif qui aurait interdiction absolue de formuler la loi, qui serait aussi contrôlé par l'Assemblée nationale générale. Voilà, c'est du gribouillage, c'est absolument pas... J'ai pas la prétention d'écrire des constitutions à moi seule, mais je voulais simplement... c'est un gribouillage que je mets sur la place publique, il y est déjà, c'est sur un blog Mediapart. Voilà, je le mets sur la place publique et quiconque veut s'en saisir est le bienvenu et la bienvenue. Alors moi, je prends la parole après une jeune femme, parce que moi, je suis un vieux con. Mais depuis que je suis à la retraite, justement, je travaille sur cette idée de constituante. Et effectivement, je pense qu'on est... Notre problème à l'heure actuelle, c'est qu'on doit refaire et établir un nouvel texte constitutionnel. Alors moi, je vais plus loin que madame. Au départ, la constituante doit être rédigée par les citoyens... Et donc, ça doit être un tirage au sort. Pour moi, l'idéal, c'est un tirage au sort à 100%. Il y a 48 millions d'électeurs donc, qui ont la majorité pour élire. Donc, on va trouver suffisamment de personnes pour le faire. Et en plus de ça, après, donc, une des bases, je suis tout à fait d'accord avec madame, c'est qu'il faut que dans cette constituante, on mette à la tête un conseil exécutif et non pas un conseil représentatif. Il faut absolument sortir de cette histoire-là. Il faut qu'on ait un conseil exécutif, donc qui doivent exécuter ce que l'ensemble des gens qui ont le pouvoir de voter fassent ça. Et là, à l'heure actuelle, je suis en train de travailler sur ma commune, c'est une commune de 10 000 habitants, pour essayer de mettre en place un système comme ça. Alors évidemment, c'est au départ, on est minoritaire, donc il faut trouver un moyen de communication pour amener les habitants dans la commune à se saisir petit à petit de cette idée-là, parce que c'est pas facile à rentrer dans la tête. Mais je pense qu'il faut, c'est ça nous, enfin, qu'on entend par le terme constituante, c'est refixer une nouvelle façon de vivre ensemble et d'agir ensemble. Bonsoir. Oui, sur le tirage au sort, j'avais bien aimé ce que vous aviez écrit dans l'aide de la démocratie. Moi, ça m'avait beaucoup stimulé. Par contre, le mot a été prononcé une fois et je pense que... Enfin, un autre texte que vous aviez écrit il y a quelques temps, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était le texte sur le populisme. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, malheureusement, ce que vous aviez dit il y a à peu près 10 ans n'a pas été entendu du tout et le terme est encore utilisé, y compris par des gens qui pensent être du côté de la gauche et contre le système représentatif actuel. Et du coup, voilà, j'aimerais bien vous entendre un peu plus sur le populisme. Est-ce que vous avez changé d'avis là-dessus? Mais j'avais trouvé l'argument que vous aviez fait très rapidement, c'était le populisme est un terme disqualificatif qui sert à disqualifier le peuple comme étant une masse brutale, ignorante, xénophobe, etc. Et en fait, elle montre qu'en fait, ce que les gens disent quand ils disent populisme, c'est en fait vouloir maintenir l'élite au pouvoir puisque les sachants devraient gouverner le peuple qui est une masse brutale. Et voilà, moi j'aimerais bien vous entendre un peu plus là-dessus étant donné la situation actuelle, parce que il me semble qu'il y a beaucoup de gens de gauche et récemment il y avait un appel en soutien des Gilets jaunes où le mot populiste était utilisé comme disqualifiant et moi j'ai refusé de signer cet appel-là parce que précisément continuer à utiliser ce terme-là, c'est se tirer une balle dans le pied. Et voilà, j'aimerais bien, enfin, il me semble important qu'on arrête d'utiliser ce mot-là comme ça, quoi. Puisque la question est directe. J'essaie de répondre le plus rapidement possible. Oui, je pense que le mot populisme, effectivement, n'a actuellement qu'un seul sens, effectivement, qui est d'une certaine disqualification, disons précisément des gens dont on dit qu'ils ne sont pas compétents, quoi. Et alors, bon, le problème, c'est que le terme populiste, malgré tout, il a quand même... Bon, il plaît, quoi. Il plaît à un tas de gens. Il plaît à un tas de gens, c'est-à-dire que... Et surtout, bon, on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des pays où, disons, il y a une espèce de... Malgré tout, les pouvoirs d'État n'arrêtent pas de se renforcer. Des législations répressives n'arrêtent pas de se renforcer, quoi. Et d'une certaine façon, disons, tout se passe, tout est censé se passer comme si c'était vraiment le peuple qui réclamait ça. C'est-à-dire qu'en réalité, on met au compte du populisme ce qui est simplement le fait que des élites très limitées prennent le pouvoir et imposent des répressions violentes, quoi. Bon, on dit Bolsonaro c'est populiste, Orban c'est populiste, que sais-je, c'est pas populiste, ce sont des pouvoirs autoritaires. Des pouvoirs autoritaires, ça n'a absolument rien à voir avec quelque chose comme une espèce de demande du peuple qui les aurait portés au pouvoir. Ça, je pense qu'effectivement, il faudrait arriver à se débarrasser de ça. Alors, quand après ça, des gens veulent du populisme de gauche, alors effectivement, ça devient une sacrée salade, quoi. Parce que, bon, effectivement, vouloir qu'il y ait, bon, on voit bien qu'il y a une espèce de rêve d'un Le Pen de gauche qui n'arrête pas de. Bah, effectivement, je pense qu'il faut arriver complètement à se sortir de ça et à mettre effectivement ce terme bon en dehors. Effectivement, bon, je vois bien le genre d'appel qu'on a eu, des appels comme ça, du genre nous qui sommes des intellectuels bons, effectivement essayons de séparer les gilets jaunes de tous ces populistes un peu douteux qui essayent de les accaparer, donc soutenons-les pour qu'ils n'aillent pas à l'extrême droite. Bon, c'est vraiment sympa, mais enfin, quand même c'est un peu limité quand même comme genre de choses, et passablement méprisant effectivement, quoi. Donc oui, bah, bien sûr, je pense qu'il faut arriver à débarrasser effectivement nos têtes d'un tas de termes, d'un tas de raisonnements, d'un tas d'argumentations, bon, qui sont devenus complètement évidents, quoi. C'est-à-dire, ben non, il n'y a pas le populisme, ça n'existe pas. De toute façon, ça n'existe pas. On a un renforcement effectif des pouvoirs. Bon, c'est quand même ahurissant ce qui se passe. C'est-à-dire, bon, moi, quand je vois ce qui se passe, malgré tout, par rapport aux interdictions de manifester, par rapport à toutes ces fameuses lois anti-casseurs, quoi, mais c'est des trucs qui étaient inimaginables il y a 50 ans, quoi. Y compris à l'époque, quand même, bon, de mai 68, etc. Bon, à l'époque, on savait que même, normalement, par exemple, on n'avait pas le droit d'interpeller quelqu'un dans la rue, sauf en cas de flagrant délit, quoi. Voilà. C'est des choses qui étaient absolument impossibles. On savait tous ça, quoi. Donc, que si un flic nous arrivait et voulait nous demander nos papiers d'identité, c'était pas légal. Alors maintenant, tout ça est devenu complètement légal, quoi. Et complètement légal et complètement admis, quoi. Et bon, effectivement, là, je pense qu'il faut appeler, disons, le renforcement des pouvoirs autoritaires, mais par la classe dominante, l'appeler de son nom, quoi, et cesser de faire comme si c'était pour répondre à la demande d'un vilain peuple, etc., assoiffé de sang, que tout ça se passait, quoi. Et puisque l'invitation est faite au bar aussi, je vous propose qu'on dissout cette forme-là. Voilà, il est 22h30. Merci à Jacques Rancière d'avoir joué le jeu de cette discussion. Merci aussi à vous d'avoir accepté cette forme-là. Et comme il y a beaucoup de gens ici qui cherchent des nouvelles formes pour justement la démocratie, ben voilà, on a essayé quelque chose d'un peu neuf. Merci à vous et à très bientôt.